désir et astralisation, tant que l'ego peut désirer subjectivement quelque chose, eh bien, il peut être soumis à l'influence de forces astrales, c'est-à-dire de forces qui sont en relation avec des êtres qui ont déjà vécu sur le plan physique, qui sont en voie d'évolution, qui sont en développement, qui sont orgueilleux, donc qui ont donné place à la structure énergétique astrale. Et ce qui arrive, c'est on peut regarder une séquence par rapport à un état d'être qui va être enclenché chez l'ego. C'est intéressant d'en faire l'étude. Si on regarde, par exemple, une personne qui va être exposée à un bulletin de nouvelles qui parle de l'inflation ou de vidéos sur le web, donc il est question d'augmentation du coût de la nourriture, du coût de l'habitation, ensuite du coût du carburant, c'est-à-dire l'essence qu'elle va mettre dans son véhicule automobile. Et là, si on parle de l'augmentation de différents coûts qui arrivent rapidement, donc dans un contexte social particulier, c'est sûr que par rapport à ça, la personne, ça peut lui amener à vivre de la peur. Et par rapport à la peur, l'amener en réaction à désirer avoir plus d'argent. Et si la personne désire avoir davantage d'argent sous l'impulsion de la peur qui peut être véhiculée dans son mental par rapport à une activité astrale. Donc, si la personne ne voit pas qu'elle est manipulée par l'astral pour désirer avoir davantage d'argent en réaction à la peur que la situation se dégrade par rapport à l'avenir, c'est-à-dire qu'elle fait de l'anxiété d'anticipation, bon, ben à ce moment-là, elle est astralisée et le fait de vibrer à la peur fait qu'elle n'est pas disponible pleinement à la présence de son esprit. Ce qui l'amène à ne pas être centrique et être dans un état d'anxiété par rapport à l'avenir. Et pourquoi que je vous parle de ça? Ben, c'est parce que je fais l'étude de qu'est-ce que m'a amené à vivre, entre autres, la période présente, en prenant un recul par rapport à mes réactions. Donc, si je suis capable de le faire, il y a sans doute des gens qui écoutent l'enregistrement qui sont capables d'en faire autant. Et c'est sûr que d'être récupéré, d'être charrié par l'astral, on peut essayer de nous récupérer de différentes façons. Et là, c'est de regarder en fonction du désir, qu'est-ce qu'on cherche à nous amener à faire. Dans certains cas, en lien avec le désir d'avoir plus d'argent parce qu'on voit que l'inflation augmente, eh bien, on peut, au niveau spirituel, il peut y avoir une influence spirituelle qui cherche à nous amener à travers différents moyens, visualisation créatrice, prière, bénédiction, à vouloir utiliser une intention pour avoir plus d'argent, mais si le mouvement n'est pas supporté par l'esprit, ça va être un petit peu comme un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire qu'on n'aura pas davantage d'argent. Donc, si c'est un mouvement énergétique qui est en relation avec la peur, eh bien, de s'engager dans un mouvement de visualisation qu'on a plus d'argent en réaction de la peur fait en sorte que, dans le fond, le mouvement confirme le fait qu'on est sous influence astrale, qu'on est astralisé. Donc, plus qu'on a peur de quelque chose, plus qu'on peut vouloir désirer une solution à la problématique qui est envisagée, et à ce moment-là, se ramasser dans une utilisation de notre énergie à des fins d'une compensation pour un manque anticipé dans l'avenir. Donc, quelqu'un qui a peur de manquer de l'argent dans le futur, il visualise qu'il y en a davantage d'argent en réaction à ça. C'est pas parce qu'on visualise quelque chose que ça va nécessairement s'actualiser, surtout si l'impulsion qui est derrière ça, c'est de la peur. Et là, la personne, pour sortir de la mobilisation de son énergie psychique par rapport à visualiser quelque chose, bien, la personne a été autocritique puis a regardé toute la mécanique qui est derrière ça. C'est-à-dire que la mécanique, c'est que le mouvement qui l'amène à vouloir quelque chose, c'est en fonction de qu'est-ce que la personne voit à la télévision, qu'est-ce que la personne voit sur le web. Et dans le fond, réaction avec ça, ben si on part du principe que la pensée origine d'ailleurs, ben l'ego peut être influencé par une pensée astrale qui entre dans sa psyché, qui l'amène par la suite, cette pensée-là, à vibrer de la peur, puis qu'il manipule pour l'amener à désirer certaines solutions à la peur qu'elle a elle-même engendrée, d'où le cercle vicieux. Dans le domaine des manipulations de masse, il y a, c'est sûr, le modèle séquentiel qui parle du problème-réaction-solution, où l'instigateur du problème va proposer la solution. Et c'est sûr que l'astral, dans le fond, à travers le fonctionnement de l'économie présente, associée à l'évolution, où il y a des périodes de croissance, des périodes de récession, donc la dimension cyclique en lien avec l'évolution, parce qu'il n'y a pas de stabilité là-dedans, donc il y a des déséquilibres qui cherchent à s'ajuster à travers différentes fluctuations économiques, eh bien, l'astral qui est derrière... Entre autres, la pensée qui peut être infusée dans le mental de l'individu qui l'amène à avoir peur de l'avenir. Elle peut chercher à l'amener à désirer une solution, qui est d'avoir plus d'argent. Mais si avoir plus d'argent est une réaction avec la peur, quand même que la personne ait 1 million de dollars, si la peur est implantée dans sa psyché, le jour où la personne devient très riche, la peur de manquer d'argent peut être remplacée par la peur de le perdre. Donc, l'astral peut toujours s'en prendre à la psyché de l'individu. Et c'est sûr que quand on regarde ça en termes de dynamique sociale, ben ça peut donner place à des gens qui deviennent à un moment donné très riches et ils vont s'organiser par différentes façons, que ce soit des moyens légaux, juridiques, pour conserver le plus possible leur fortune puis payer le moins possible d'impôts. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Et là, on se ramasse avec des situations où il y a des paradis fiscaux dans les Bahamas puis à différents endroits. Donc, la peur de perdre amène la mise en place des moyens d'évitement fiscaux, et ainsi de suite. Donc, présentement, la peur est un levier qui amène les gens dans des processus de réflexion. Donc, dans ma situation, dans les derniers jours, j'ai parlé avec des gens qui se plaignent de l'augmentation du coût de l'essence. Puis là, les gens me disent, ben écoute, si l'essence continue à augmenter, ben ça devient moins rentable de me déplacer sur la route pour aller travailler, et ainsi de suite. Donc, il y a une dégradation du pouvoir d'achat qui peut se faire. Donc, il y a des faits objectifs qui peuvent amener les gens à vibrer à la peur. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que de vibrer à la peur ou d'entretenir ça, c'est pas ça qui donne accès à des solutions créatives. En fait, si la personne est confrontée à une dégradation réelle, une dégradation qui peut se constater objectivement de son pouvoir d'achat, la personne peut poser la question intérieurement à l'esprit, est-ce qu'elle a quelque chose à faire? Et si ça y répond intérieurement qu'elle a moins à consommer, puis ça y indique, ben regarde, vos restaurants moins souvent, bon, ben la personne a à faire ça. Mais elle n'a pas nécessairement à faire davantage, c'est-à-dire réfléchir à la possibilité dans le fond, dans les prochains mois, il va y avoir des famines, des milliers de sans-abri, ainsi de suite. Là, ouais. Donc, en fait, la conscience, c'est d'en venir à un état où on est centrique en dépit des événements, de la trame événementielle dans laquelle on se situe. Puis d'agir en fonction de ce qu'on est supporté vibratoirement, pas en faire davantage. Parce que l'astral peut amener à vibrer au désir pour se prémunir d'une peur. Donc la personne a peur, par exemple, de manquer d'argent. Bon, ben là, à ce moment-là, la personne en réaction avec ça, elle peut, sous une impulsion spirituelle, utiliser la visualisation créatrice, dans le fond, méditation, dans lequel elle va se visualiser étant très riche, ainsi de suite. Ce que certains vont appeler la pensée positive. Mais elle peut s'engager aussi concrètement dans l'action. Si la personne est très pratique, ben elle peut chercher à travailler davantage, faire davantage d'économies. Mais c'est tout le temps de voir le moteur derrière une action. Est-ce que c'est une énergie qui provient de l'esprit ou de l'astral? Et c'est pas tout le temps évident à départager. Parce qu'une même action peut être commise par un individu sous une impulsion de l'esprit, puis un autre sur le plan astral. Donc, la personne, par exemple, qui se met à dépenser moins parce qu'elle a peur de manquer d'argent dans l'avenir, donc la peur de difficulté d'arriver, c'est sous l'impulsion de l'astral. Ben à ce moment-là, c'est pas pareil que si la personne dépense moins sous l'impulsion de l'esprit. Extérieurement, on peut avoir deux personnes qui dépensent moins, mais ce qui fait la différence entre les deux, c'est l'état psychique dans lequel chacune d'entre elles se trouve. Dans le sens que s'il y en a une des deux qui se trouve dans un état de paix mentale parce que la personne agit en suivant la vibration de l'esprit, tandis que l'autre, d'agir en fonction de l'astral, la garde dans un état de sécurité, d'insécurité pareil, parce qu'elle vit avec la peur. Le principe qui sous-tend son agir, c'est la peur. Puis agir en fonction de la peur ne sort pas de la peur, l'individu. Pour sortir de la peur, il faut la confronter, il faut la contester. Il faut contester cet état interne qui peut être occasionné par des forces qui cherchent à retarder l'individu dans son développement. Parce que plus que la personne vibre à la peur, moins la personne peut bénéficier de l'intelligence de l'esprit, puis plus qu'elle est coupée d'elle-même. Parce que la peur, un petit peu comme un nuage qui fait obstacle à l'accès au soleil de la connaissance que l'individu porte en lui, peut être une forme d'interférence. Puis il faut voir clair par rapport à ça. Et la ligne est mince en passant entre la prévoyance et la peur qui va amener d'une manière exagérée à agir d'une certaine façon. Puis c'est sûr que par rapport à la peur, la peur, on pourrait faire un enregistrement facilement qui dure plusieurs heures là, juste en faire l'étude. Notre civilisation en Occident, par rapport au bulletin de nouvelles, fonctionne essentiellement à partir de la peur. Donc, ce qui attire l'attention des gens, c'est les nouvelles sensationnalistes qui occasionnent de la peur. Donc, la peur de la menace d'un virus, la peur de la menace d'une crise économique, d'une dégradation du pouvoir d'achat, la peur associée à une guerre qui va se dérouler en Europe de l'Est, la peur d'une famine éventuelle en Afrique dans les prochains mois en lien avec un manque d'alimentation en blé associé à une guerre, la peur de ci, la peur de ça. Et c'est sûr que j'écoutais à un moment donné des débatteurs radio qui parlaient de la logique médiatique. Puis c'est sûr que, comme il expliquait, ce qui attire l'attention des gens, c'est quand ça va mal. Et c'est sûr que l'hypothèse qu'ils donnaient, c'était en lien au niveau biologique par rapport à nos ancêtres et la survie de l'être humain. C'est-à-dire que lui, il amenait l'hypothèse que l'être humain a été programmé sur le plan historique pour des raisons de survie. Être attentif à toute forme de menace. Donc, autrement dit, l'être humain, dans des temps primitifs, pouvait entendre un craquement dans la forêt. Et là, à ce moment-là, il était en réaction par rapport à ça pour aller voir qu'est-ce qui se passait, au cas où que ce soit un animal qui représente une menace pour lui, comme un tigre, comme un lion, etc. Donc, l'idée d'être très vigilant par rapport à la peur, pour des raisons de survie dans le passé, était extrêmement appropriée. Dans le sens que l'être humain pouvait être attaqué à tout moment par un ours ou d'autres animaux. Donc, le fait, par exemple, de sécréter massivement le cortisol, qui est l'hormone liée à la peur, donc, puis vivre un extra de stress facile par rapport à ce type de menace-là est approprié. Par contre, dans un autre contexte, de sécréter massivement les hormones associées à la peur parce que la personne écoute un bulletin de nouvelles où il est question que la situation économique est censée de se dégrader dans les prochains mois, n'est pas approprié parce que la personne a la même réaction qu'une menace immédiate par rapport, par exemple, à un loup ou un ours, alors que la menace n'est pas là. Donc, la personne a resté centrique. Et la meilleure façon, en passant, de voir si quelqu'un est centrique, c'est de voir comment il compose avec différentes menaces auxquelles il est exposé dans son existence. Donc, s'il réfléchit ou non la menace. Donc, s'il vibre ou non la peur. C'est sûr que je pourrais faire des centaines, des milliers d'enregistrements sur la question d'être capable de pas sombrer dans la peur, puis de sortir de la peur rapidement, puis de voir clair par rapport à elle. Donc, de voir clair par rapport à la peur, ça veut pas dire d'être naïf puis d'être stupide, là. C'est pas de nier une réalité qui se passe, dans le sens que si une situation où l'inflation augmente, c'est un constat, il y a des éléments concrets, par exemple le prix associé à l'essence qui augmente, c'est pas de nier les évidences ici qu'il est question, mais c'est plutôt d'observer qu'en dépit, par exemple, de l'augmentation de l'inflation, que la personne vibre ou non à la peur par rapport à ça, c'est que ça change son état d'être et dans un certain cas, la personne dilapide ses énergies qui pourraient être utilisées autrement créativement pour faire face à la situation d'une manière différente. Parce que vibrer à la peur ne permet pas de sortir de la peur. Donc, c'est sûr, être conscient de ce qui se passe, ça être lucide, c'est intelligent. La personne peut regarder si elle a quelque chose à faire et après ça, ben, passer à autre chose. Donc, dans sa vie, l'existence d'une personne n'a pas à être morose à cause qu'il y ait question de nouvelles à l'effet que la situation économique se dégrade. La personne peut être bien dans sa peau pareille. La personne a regardé que ce qui concerne le collectif n'a pas nécessairement à la concerner individuellement. En termes d'état vibratoire, c'est sûr qu'individuellement, la personne elle, va être affectée si elle consomme des biens dans les magasins, là, naturellement, là, par rapport à une situation collective. Tout est interrelié. Par contre, la dégradation énergétique d'un collectif qui se met à vibrer à de la peur par rapport à l'avenir ou de l'insécurité n'a pas nécessairement imprégné individuellement la psyché d'un individu. C'est ça qui va être mentionné. Mais la personne, lorsque la personne ne réfléchit plus puis elle n'est plus récupérée par la peur, ben, elle va moins chercher à désirer des choses pour compenser l'impact de la peur sur sa psyché. Ce qui est intéressant, ben, c'est de dévoiler que derrière le désir, il peut y avoir de la peur. Donc, quelqu'un qui désire avoir plus d'argent, il peut avoir la peur de manquer d'argent. Quelqu'un qui désire être davantage en santé ou de conserver sa santé, c'est parce que derrière ça, il peut avoir la peur d'être malade. Donc, quelqu'un qui désire être en couple, derrière ça, il peut avoir la peur de rester seul pour le reste de sa vie, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois que la personne nourrit des mouvements de pensée dans son mental qui sont en lien avec la peur, ben, ça oriente son énergie psychique par rapport à certaines choses. Mais c'est sûr que certaines choses peuvent être orientées aussi par l'esprit en termes de comportement. Donc, quelqu'un peut prendre soin de sa santé en s'entraînant physiquement parce que la personne cherche tout simplement à actualiser la vibration de son esprit, tandis que si la personne vibre à la peur d'être malade, ce qui fait en sorte qu'elle va s'entraîner physiquement, ben là, c'est une contre-motivation. C'est une contre-valeur qu'on pourrait dire. Mais j'aime pas le terme valeur parce que je trouve qu'il y a une plus grande fixité derrière le principe de la valeur que derrière le principe énergétique de la volonté. Donc, agir en fonction d'une valeur, c'est agir en fonction d'une forme auquel on donne de l'importance. Tandis que agir en fonction d'une vibration, c'est agir à partir d'un élan énergétique qui prévaut à la naissance de la valeur par la suite. Donc, parce que l'énergie de l'esprit génère des formes. Donc, quelqu'un qui agit en fonction de la valeur de la liberté, ensuite de la santé, ben, c'est des formes qui ont été constituées dans le passé par l'esprit. Mais si on agit en relation avec la forme que représente une valeur, au lieu du principe fondamental qui occasionne des valeurs, ben là, c'est sûr qu'il y a plus de risques d'être récupéré par l'astral. Donc, c'est ça qui est à mentionner. Mais sinon, en fait, par rapport à tous les événements auxquels on peut être confronté, c'est de regarder l'impact sur la psyché de l'événement. Puis la centricité. Si on a quelque chose à faire ou pas, des fois, ça peut être surprenant. On peut voir qu'une situation se dégrade sur le plan économique, on va voir par en dedans, puis non, t'as rien à faire présentement. Apprécie la vie, reste calme, reste dans ton présent, c'est tout. Puis si la réponse de rester dans le présent, casse-toi pas la tête avec ça, et la réponse ajustée vibratoirement, ben il faut compter la réponse. Mais là, après ça, on peut être exposé de nouveau à des gens, à des bulletins de nouvelles de télévision, des vidéos aussi sur YouTube, qui parle que la situation est inquiétante. Mais là, il faut rester avec le principe individuel qu'on a capté, puis de s'y tenir que faut rester calme, faut rester dans la paix du mental, en dépit de tout ce qui peut être dit. Puis supporter une vibration individuelle, plutôt que d'agir en fonction de la peur, c'est pas évident. Mais c'est ce qui permet de voir à quel point la personne a intégré ou non sa conscience vibratoire. Lorsque la personne vit un état psychique de suspension du désir, la personne vit simultanément un état où ce que le processus réflexif est suspendu en elle. Tant que la personne réfléchit, elle est liée à l'astral. Tandis que lorsque la personne émet vibratoirement ou est dans un état de vide mental, là, à ce moment-là, la personne est davantage en contact avec sa source. Dans le sens que lorsqu'elle émet vibratoirement à partir de l'esprit, ben la vibration qui provient du plan éthérique qu'elle peut capter et qu'elle peut parler à travers, entre autres, sa parole à voix haute, peut neutraliser l'influence de l'astral dans sa psyché. Et la personne peut utiliser la parole vibratoire pour se sortir de l'astralisation, de l'imprégnation énergétique associée au visionnement de vidéos, de bulletins de nouvelles, de conversations avec des personnes inquiètes de son environnement. Mais la personne, c'est sûr, tant qu'elle peut être imprégnée par des influences externes, tant aussi longtemps qu'en réaction par rapport à ça, elle peut avoir à se dépolluer psychiquement en utilisant la parole vibratoire comme une façon de neutraliser les influences auxquelles elle est exposée par la suite. C'est sûr que si la personne ne se laisse pas imprégner par les influences de l'environnement, elle n'a pas besoin par la suite de se dépolluer psychiquement. C'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui va manipuler de la terre avec ses mains, et là, les mains sont sales. Donc, c'est sûr que si les mains sont sales, il faut que la personne aille se laver les mains parce qu'elle est imprégnée de la terre. Mais si la personne n'est pas imprégnée de la terre avec ses mains, parce qu'elle utilise des gants lorsqu'elle fait du jardinage, elle n'a pas besoin de se nettoyer les doigts et la terre qui peut être coincée entre les ongles par la suite. Donc, autrement dit, si la personne est toujours dans sa conscience de l'esprit lorsqu'elle est en contact avec des gens, des bulletins de nouvelles ou autres, ben par la suite, elle n'a pas besoin d'utiliser la parole vibratoire pour se dépolluer parce qu'elle est toujours présente. Mais l'enjeu ou le défi, c'est que la personne soit capable d'être exposée à plusieurs sources de pollution psychique qui cherchent à l'amener à vibrer à de la peur, à de l'anxiété par rapport à l'avenir sans se laisser contaminer par ça. Donc, de rester centrique et d'agir ou non en fonction de l'avenir, pas par rapport à de la peur, mais par rapport à une impulsion vibratoire, ce qui est très différent, mais qui peut amener les mêmes actions comme mentionné précédemment. Donc, dans un cas, par impulsion vibratoire, la personne peut diminuer sa consommation, puis un autre par la peur diminue aussi sa consommation. Mais la grande différence entre les deux, c'est l'état psychique et l'affiliation de la psyché de l'individu par rapport à certaines forces plutôt que d'autres, et d'agir en fonction de l'astral qui amène à agir en fonction de la peur, consolide le lien entre l'individu et l'astral. Autrement dit, c'est comme avoir un pacte occulte avec une entité qui, à force de lui donner de l'attention, son emprise sur soi augmente. Donc, quelqu'un peut être astralisé parce qu'il a peur de l'avenir. Il se met à dépenser moins, puis par la suite, l'entité lui fait encore peur. Puis la personne a peur qu'il y ait une crise sociale majeure. Fait que là, la personne peut devenir survivaliste. Et à ce moment-là, étudier des techniques de survie. Et ensuite, elle peut avoir encore davantage peur sous l'influence de l'entité. Parce que chaque fois que la personne vibre à de la peur, eh bien, elle va générer un état qui va nourrir l'entité et qui va lui donner de l'importance. Donc, à un moment donné, la pente fatale associée à la peur, bien, la personne peut avoir peur d'une guerre civile, puis la personne peut se procurer des armes. Donc, ça peut aller très loin, là, l'influence astrale de la peur, de l'anxiété, où la personne ne dort plus la nuit parce qu'elle a peur de l'avenir, et ainsi de suite. L'astral peut chercher à interférer très fortement dans la vie de différents individus. Et c'est à la personne d'être lucide. Et d'être lucide, c'est pas nécessairement évident. Parce que pour être lucide par rapport à la manipulation de la psyché, ben ça prend une vigilance par rapport aux pensées auxquelles on donne de l'importance ou pas. Et comme la pensée n'origine pas du cerveau, ben, ou de soi, on est exposé dans notre existence à différentes formes de pensée. Mais le plus intelligent, c'est de regarder les pensées comme étant toutes des éléments extérieurs à soi. Puis même le désir, par exemple, de faire un enregistrement audio pour parler qui peut survenir, bien, il faut le regarder aussi. Donc, on peut avoir... l'action qui est conditionnée par le désir est à différents niveaux. Et c'est sûr que si un enregistrement audio est fait en relation avec un désir de l'ego, parce qu'il croit qu'en faisant l'enregistrement audio, il va évoluer, ben à ce moment-là, il peut être manipulé par rapport à ça. Par contre, c'est sûr que si l'enregistrement audio est fait en fonction d'une vibration, et que l'enregistrement audio concourt à une intégration plus grande d'un ego de certains principes énergétiques, là, à ce moment-là, l'enregistrement audio a une fonction particulière au sein de l'individu, mais c'est tout le temps de regarder le moteur énergétique. Et là, ce qui peut être subtil, c'est que la personne peut vouloir faire un enregistrement audio par rapport à la croyance qu'en agissant ici, il agit par rapport à l'esprit, mais en réalité, il peut être récupéré par l'astral. Parce qu'il y a une insécurité derrière le fait de faire l'enregistrement audio. Donc, quelqu'un se fait un enregistrement audio parce qu'il a peur de ne pas être en contact avec l'esprit. Parce que ça fait certain temps qu'il n'a pas fait d'enregistrement audio. Il peut être récupéré par l'astral. Mais en même temps, l'enregistrement audio qui peut chercher à véhiculer des concepts liés à la conscience... Ça se peut que le principe qui est derrière ce dernier n'est pas nécessairement lié à la conscience. On peut prendre certaines formes, mais ça se peut qu'on n'en ait pas la vibration. Mais tout ça peut être subtil. On peut étudier tous les éléments qu'on peut vivre dans le quotidien. On peut prendre en passant chacun des gestes qu'on fait dans la vie de tous les jours pour regarder le principe énergétique qui est derrière. Ce dernier. Puis décomposer à ce moment-là les différents... C'est sûr que ça prend du temps et de l'énergie, là, mais on peut regarder les différentes activités de consommation dans la vie de tous les jours, si c'est en fonction de la peur ou d'une réalité vibratoire. Mais l'important, c'est quoi par rapport à tout ce qui peut être dit depuis tantôt? Ben, c'est d'être lucide par rapport... Qu'est-ce qui peut se trouver derrière le désir? Qu'est-ce qui peut se trouver derrière l'impulsion qui nous amène à agir dans un sens ou l'autre? Tout ça est subtil. Puis c'est propre à chacun. Puis quelque chose qui est réel pour quelqu'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Dans le sens, quelqu'un qui écoute un enregistrement parce qu'il a peur de manquer une information ou il a peur de ne pas vivre la fusion, c'est très différent de quelqu'un qui va écouter un enregistrement ou visionner une vidéo tout simplement pour bénéficier d'une vibration dans laquelle il va être à l'aise. Donc, il y en a un qui agit en fonction de l'insécurité, puis la personne peut dire que c'est de la conscience parce que j'agis pour construire mon corps d'énergie. Donc, un véhicule d'énergie multidimensionnel qui est en relation avec l'intégration de la vibration de l'esprit par rapport à l'ego. Donc, la personne peut croire faire le bien, mais en réalité, ça se peut que ça ne soit pas le cas. Puis comme il y a un principe de peur derrière ça, le désir d'écouter l'enregistrement vibratoire peut être récupéré par l'astral. Tandis que l'autre qui écoute ou qui fait l'enregistrement par rapport à un principe de déploiement de l'esprit, c'est très différent. Ce qui m'amène à dire que avoir des préjugés par rapport à des formes qui sont adoptées, c'est pas intelligent. Donc, si on voit quelqu'un qui économise, qui se met à économiser beaucoup, c'est pas parce qu'il économise beaucoup que ça veut dire nécessairement qu'il vibre à la peur. Puis c'est pas parce que quelqu'un qui dépense beaucoup que ça veut dire qu'il vibre à un état de paix mentale qui fait qu'il est en dehors d'un contexte où ce que la peur est véhiculée. Quelqu'un peut dépenser beaucoup pour s'occuper, pour masquer la peur qu'il a par rapport à l'avenir aussi. Donc, il y a plusieurs éléments derrière ça. Et c'est ce qui amène de sortir d'une lecture linéaire de certains comportements, que certains comportements, c'est tout le temps telle chose. C'est un petit peu comme le symbolisme du rêve. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne va voir dans un rêve une personne âgée que ça veut dire nécessairement qu'elle est en contact avec l'archétype de la sagesse. Donc, les histoires des archétypes de symboles universels qui sont vrais pour tout le monde, là, en termes de forme, c'est pas, de ce que je capte vibratoirement, c'est pas nécessairement réel. Tout est reçu selon la forme du récipient. Quelqu'un qui va avoir dans un rêve une certaine forme, puis les gens vont faire par la suite, ils vont aller voir des livres pour interpréter leur rêve. Donc, il s'appuie sur un élément rempli de symboles externes, comme un dictionnaire du rêve, pour interpréter leur psyché. Alors que l'individu qui utilise sa conscience vibratoire va plutôt regarder vibratoirement derrière le symbole qu'elle a perçu en rêve, c'est quoi que ça veut dire? La personne peut poser la question à l'esprit, « Bon, dans tel rêve que j'ai fait cette nuit, il y a eu tel symbole qui m'a été présenté. Qu'est-ce que tu veux dire par là? » C'est lui qui veut parler. Ou si c'est l'astral, ben, pourquoi on m'expose à ça? C'est quoi la fonction du symbole sur ma psyché? Qui est une démarche individuelle très différente. D'être exposé à un symbole, puis là, de dire, ben là, je vais aller regarder sur Internet. Autrefois, les gens regardaient des gros livres là, de dictionnaire du rêve. Là, c'était des espèces de grosses briques remplies de feuilles. Puis là, aujourd'hui, ben, sur Internet, ça prend moins de place. Hein? la personne n'a pas besoin d'un gros livre chez elle, mais elle va sur Internet, elle va chercher qu'est-ce que représente le symbole, puis elle s'appuie sur une définition externe à elle pour savoir, alors que l'individu qui se conscientise va tout définir par rapport à lui-même. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je fais des rêves étranges, je peux poser la question intérieurement, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'irai pas voir le dictionnaire du symbole, mais par rapport à l'interprétation des actions ou des symboles de l'environnement, tout ça, c'est une question vibratoire. Et là, à ce moment-là, ça suspend le jugement moral linéaire que telle chose, c'est tout le temps mauvais ou c'est tout le temps bon, comme l'ont formulé les gens de la religion. Donc, autrefois, les gens, par exemple, si on prend la religion catholique au Québec, il y avait des principes que telle action, c'est un péché. Donc, quelqu'un qui a une activité sexuelle en dehors de la reproduction, comme par exemple se masturber, c'est quelque chose de néfaste, c'est quelque chose de péché, automatiquement, significativement. Alors que la personne regarde l'action au niveau vibratoire, elle peut dire, « Ah, dans telle situation, quelqu'un qui se masturbe, ça lui permet de se calmer. Si la personne est trop tendue, ben ça l'amène à se détendre. » Donc, ça amène à diminuer une tension. Donc, ça a comme ça, comme fonction. Donc, ça peut avoir une utilité. Tandis qu'une autre personne, s'il se masturbe compulsivement plusieurs fois par jour, à ce moment-là, cette activité-là le met en relation avec une astralisation qui détourne de ses énergies alors qu'elle pourrait être mobilisée créativement pour faire autre chose. Donc, dans ce cas-là, cette énergie-là est utilisée ou détournée pour autre chose, puis elle peut être récupérée par l'astral parce que la personne passe trop de temps par rapport à ce qu'elle a à faire, puis sa programmation de l'esprit à fantasmer, puis à utiliser cette énergie-là de cette façon-là. Mais la personne en fait une lecture individuelle de l'action au lieu d'établir systématiquement que toutes les personnes qui se masturbent, c'est du péché, comme c'était formulé au niveau de la forme de l'idéologie catholique. Là. Donc, c'est très différent comme fonctionnement. Et c'est la même chose pour la personne qui va se construire un bunker en prévision d'événements difficiles ou non. Dans certains cas, si la personne a réellement la vibration pour ça, puis d'accumuler plein de choses, c'est fondé vibratoirement, ça l'est. Si c'est l'autre que ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais tout ça demande des nuances, puis c'est du cas par cas, puis faire du cas par cas, ça demande de l'énergie. Mais de développer une conscience individuelle amène à avoir une lecture individualisée de différents éléments un par un. Donc, c'est ça qu'il avait été rajouté là, par rapport aux propos dans le cadre de cet enregistrement. Mais pour en revenir à la question de l'astral puis du désir, lorsque la personne ne vibre plus à l'astral, bon, ben, elle est libre du désir subjectif. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a mis en action comme principe de mobilisateur de ses énergies? C'est celui de la mise en vibration de l'esprit. Puis quand elle n'est pas mise en vibration de l'esprit, ben, elle vit du vide mental. C'est tout. Elle vit un état dans l'absence de réflexion. Donc, elle ne se préoccupe pas outrancièrement par rapport à l'avenir. Elle ne vit pas d'anxiété. Soit qu'elle vit du vide, ou soit qu'elle vit une mise en action, mais elle ne vit pas de réflexion. Ça, c'est la caractéristique de l'être humain nouveau qui est appelé à émerger à la surface de la Terre et des gens qui vivent une forme d'initiation à la conscience nouvelle dans leur vie sont manipulés dans leur vie de tous les jours pour en venir de plus en plus à ce stade-là. Et il peut y avoir une forme de saturation aussi de la part, tout simplement, par rapport à l'exposition de différentes désinformations. Donc, on fait peur par rapport à une menace d'une manière exagérée d'un virus, on fait peur par la suite par rapport à une menace exagérée d'une crise économique, ensuite on fait peur d'une manière exagérée par rapport à une guerre qui pourrait devenir mondiale, et ainsi de suite. Donc, si la personne embarque par rapport à certaines peurs ou certains scénarios catastrophes qui sont présentés par rapport à l'avenir comme des prophéties, pour des raisons de saturation expérientielle, ça se peut que la personne, à un moment donné, ben, se détache de tout ça et est tannée de vibrer à la peur au fil des mois, des années. Puis là, à un moment donné, ben, l'esprit critique s'installe dans un phénomène de saturation qui se produit. La personne a juste envie d'être bien dans le moment présent, en dépit de tout ce qui est dit. Puis elle ne se sent pas non plus coupable d'être bien dans sa vie de tous les jours, même si elle est exposée à plein de personnes qui souffrent dans le moment présent ou qui ont peur de l'avenir ou de souffrances éventuelles. Donc, voilà. C'est ce qui va compléter l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et au revoir.